avec un autre. Tant pis pour le nouveau, tombé dans ton panneau. Mais pourquoi pour moi ça ne marche pas? J'essaie mais j'y arrive pas. Chaque nouvelle femme, oui je m'enflamme. Puis en moonwalk je pars. J'ai beau tout essayer, la volonté y est. À chaque revers essuyé, mon mental est scié. J'crois que j'suis sécuré, sécuré, sécuré. J'ai des dossiers sur toi pour te nuire, tu sais lesquels. C'est quel, c'est quel.